Chapitre 14. Madame d'Argonne ne dormit pas, et le matin, elle ne monta pas à cheval, craignant de rencontrer Morière. Elle lui avait dit « demain ». Elle était sûre que même au milieu de la cohue de l'allée des cavaliers, il l'interrogerait, et elle redoutait la réponse qui allait l'engager. Elle se fit conduire au jardin d'acclimatation où elle voulait acheter des fleurs. En descendant de voiture, elle croisa Blanche Lacombe, accompagnée du comte Salomon. Il tenait en laisse un énorme Danois. Le chien tirait sur sa chaîne, entraînant le banquier qui tendait les jarrets, se raidissant de son mieux, tout à fait ridicule dans l'effort. La danseuse se tordait, répétant « Jamais vous ne le ferez monter dans la voiture, jamais !» Christiane avait tourné la tête d'un autre côté pour n'avoir pas l'air de regarder le père d'Agar. Elle entra dans le jardin et marcha vers la grande serre. Elle s'y promenait depuis un instant quand le comte Salomon la rejoignit. Il s'écria, l'air surpris de la trouver là, « Comment, vous n'êtes pas montée à cheval ce matin ?» Elle répondit en souriant, « Vous non plus ?»« Non, moi, je viens ici pour des chiens de chasse. » Il croyait n'avoir pas été vu à l'entrée. Madame d'Argonne n'insista pas. Le banquier reprit, « Vous venez admirer les fleurs ?»« Je vais en acheter, mais avant, je me promène un instant. Cette serre est ravissante. » L'air affectueux, tendre presque, il demanda, se rapprochant d'elle. « Comment est-il possible qu'une jolie femme comme vous se promène seule ? Quand tant de gens seraient heureux de la suivre, de ne la quitter jamais ?» Le comte Salomon existait si peu pour Christiane, il était si peu quelqu'un qu'elle ne remarqua pas d'abord combien il devenait familier. Elle entendit à peine ce qu'il disait et répondit, pensant à autre chose, « J'aime beaucoup me promener seule et puis... « Mon mari est monté à cheval. » Il protesta. « Oh, je ne parle pas du comte. Se promener avec sa femme, ce n'est pas l'affaire d'un mari. » Elle pensa. Il croit que tous les maris ressemblent à son gendre, et elle ne répondit pas. Encouragé par ce silence, il continua. « Les maris accompagnent les femmes des autres, ou les cocottes. » Et comme elle faisait un mouvement, il expliqua. « Je parle des maris du monde, bien entendu. »« Ah, alors vous pensez que les hommes du monde n'aiment jamais ?» Quelquefois, mais pas leurs femmes. Et encore faut-il, pour aimer les autres femmes, qu'ils ne soient plus jeunes, non. L'homme jeune et chic n'aime pas la femme, il la courtise, quand elle est jolie et élégante, pour la galerie qu'il regarde faire. Et s'il tient à la voir, c'est uniquement pour cette même galerie qui s'inquiète du dénouement, et qui rirait si ce dénouement n'était pas favorable. Les hommes jeunes sont tous des vaniteux et des égoïstes. Elle demanda, en riant, « Et les vieux ?» Il se rapprocha d'elle encore un peu. « Les vieux, c'est-à-dire les hommes de mon âge. Ceux-là sont souvent des amoureux très tendres et des amis très sûrs. Après avoir aimé autrefois la femme pour eux, ils l'aiment aujourd'hui pour elle. Ils n'ont qu'un but, lui plaire. Qu'une pensée, satisfaire ses moindres désirs. Et puis ils sont avant tout discrets. Ils ne parlent ni des faveurs accordées, ni des services rendus. » En parlant, il fixait sur la comtesse ses petits yeux de faune, luisant dans un rayonnement de rides fines et creuses. Elle se sentit mal à l'aise. Les façons du banquier lui semblaient toutes changées ce matin. Elle le regarda, se demandant « Mais qu'est-ce qu'il a ?» Le comte Salomon, très rouge, continuait à la regarder du même œil tendre. Il murmura, avec un sourire entendu « J'ai été très occupé de vous ce matin. » Machinalement, elle questionna « De moi ?» « Oui, de vous. » Il se serrait de plus en plus contre elle dans l'allée étroite, bordée de petits arceaux de fer qui empêchaient qu'elle s'écartât de lui. Tout à fait gênée, elle s'arrêta. « Je suis ravie de vous avoir rencontré, mais je vais maintenant m'occuper de mes fleurs. » Et pour bien indiquer qu'elle le quittait, elle lui tendit la main. Le banquier prit dans sa main droite la petite main de Madame d'Argonne, la couvrit de sa main gauche et la caressant doucement, dit, l'œil allumé, la lèvre un peu tremblante, « Croyez bien, chère petite comtesse, que j'étais très heureux de cette occasion qui m'a rapproché de vous. » Elle avait tant hâte de retirer sa main et de le quitter qu'elle ne réfléchit pas tout d'abord à ce qu'il lui disait. Ce ne fut qu'après qu'elle se demanda ce qu'il entendait par cette phrase « Je suis bien heureux de l'occasion qui m'a rapproché de vous. » Quoi ? De quelle occasion voulait-il parler ? Était-ce de son dîner de la veille ou de cette rencontre à l'instant même ? Quand, une demi-heure plus tard, elle sortit du jardin, elle dit à son cocher de l'attendre route des Sablons et elle prit la petite allée qui traverse l'île des Cèdres. Au croisement de l'allée des Bouleaux, une femme était arrêtée, causant avec un cavalier. De très loin, Madame d'Argonne reconnut Blanche Lacombe, et en approchant, elle vit que le cavalier était le petit Fruling. Penché sur l'encolure de son cheval, le teint animé, ses jolis yeux bleus brillants de lueur très douce, il parlait de cette voix fraîche et assourdie à la fois qui était son grand charme. « Enfin, demanda-t-il, d'un ton très poli où perçait l'agacement, « il y a bien une heure où il n'est pas chez vous, n'est-ce pas ?» Elle répondit, « Oui, l'heure de la bourse. Il a beau avoir des gens pour faire ça, c'est plus fort que lui, faut qu'il y aille. » Après un silence, elle conclut, « Oh, il est tout de même moins embêtant que Treuil. »« Ah, il est... » Le jeune homme s'arrête à court. Il venait d'apercevoir Madame d'Argonne qui arrivait en face de lui. Il rougit si brusquement que la danseuse se retourna, comprenant qu'il y avait quelque chose. Christiane passa, de son pas allongé et rapide, tandis que le petit Fruling baissait le nez de plus en plus rouge et mal à l'aise, et elle pensa, « Pauvre petit, il a peur que je le dise à la grosse princesse. » Il cherche à faire l'école buissonnière, je comprends ça. Jeanne y a raison, c'est un petit débrouillard. Ce qu'il se faufile adroitement dans tous les mondes. Mademoiselle Lacombe n'a pas l'air de le trouver vilain. Il n'est pourtant pas du gouvernement, lui. S'il réussit, c'est donc qu'il sera aimé pour lui-même. Elle s'était hâtée un peu pour ne pas les gêner. Elle entendit bientôt les voix s'élever de nouveau. La conversation reprenait. Elle marcha pendant 5 ou 6 minutes et arriva derrière le tir aux pigeons. Mais quand elle voulut traverser pour rejoindre la petite allée qui mène à Bagatelle, elle fut arrêtée par les palissades de la fête des fleurs. L'allée était inexorablement barrée. Il fallait s'engager sur la route blanche de soleil du tir aux pigeons ou retourner sur ses pas. Elle reprit la petite allée ombreuse, ne pensant déjà plus aux protégés de la princesse et du banquier, lorsque, bien avant de les voir, elle entendit nettement leur voix. Le taillis, très touffu, sous lequel l'allée tournait par un coup d'aigu, les cachait. Il parlait assez bas, mais en approchant, elle entendit la fin d'une phrase commencée. Le petit Fruling disait « Vous ne croyez pas cela ? Eh bien, si vous lisiez la Bible ?» Et la danseuse, coupant court, répondait « J'ai pas le temps. » Christiane ne voulut pas repasser devant eux. Elle se décida à rejoindre sa voiture en traversant le taillis. Là, le soleil qui crevait le feuillage et posait de larges taches à ses pieds et sur sa robe, lui rappela ce même beau soleil qui dorait l'autre jour sa promenade avec M. de Morrières. Elle se dit qu'en ce moment sans doute il la cherchait dans l'allée des cavaliers, très triste de ne pas l'y trouver. Elle sentait bien qu'elle était devenue sa seule préoccupation et qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'il en fût ainsi. Elle l'avait fait peut-être inconsciemment, mais le résultat était le même. André l'aimait à présent. De cela, elle était sûre, et c'était son mari qui l'avait en quelque sorte poussée dans ses bras. Elle se souvenait de la discussion de la veille avec un peu de dégoût, cette façon de l'aimer comme un bibelot fragile, de respecter toujours la beauté qui servait ses projets mondains, la blessait à la fin. Comme elle arrivait à la route des Sablons, deux enfants qui se poursuivaient vinrent rouler devant elle, s'administrant une quantité de coups de pied et de coups de poing, malgré les cris d'une bonne anglaise et d'un abbé qui accouraient de toute leur vitesse. Elle s'arrêta pour regarder avec envie les petits. Deux beaux garçons, de 7 ou 8 ans, rouges comme des coques, avec des mèches exaspérées qui se dressaient et des mains potelées et griffantes à reflets de bronze. Et, montant en voiture, elle pensait. Lui, ça ne serait pas pour toujours, alors il n'aurait pas peur de me déformer. En déjeunant, M. d'Argonne dit à sa femme « J'ai vu Morrières qui te réclamait à tous les échos du bois. Il avait, je crois, quelque chose à te dire. » Elle répondit « Quoi ? Je ne sais pas. » Elle dit encore, du même ton paisible, étonnée de se sentir si tranquille « Vous n'êtes pas curieux. » Quoiqu'elle trouvât cela ridicule, elle avait cédé. Elle ne tutoyait plus son mari, tandis que lui continuait à la tutoyer quand ils étaient seuls. Il répliqua « en mangeant de bel appétit, avec des façons infiniment délicates et correctes, un énorme beefsteak bossu. Pas curieux du tout. D'ailleurs, il viendra ce soir vers 6 heures. Je lui ai dit que tu y serais probablement. Oui, j'y serai. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais voir Madame de Givray. Naturellement. Elle reprit. Naturellement. Ensuite, je compte passer chez Montaud. Il demanda négligemment. Qu'est-ce que tu vas commander? Rien aujourd'hui. Je vais au contraire le régler. Elle voulait passer chez le couturier pour savoir dans quelles conditions se terminait définitivement son emprunt. Monsieur Dargonne dit « Ce pauvre manteau, tu lui dois de la reconnaissance tout de même. Pourquoi ? » demanda-t-elle, pensant à l'histoire de l'emprunt et craignant que son mari n'eût appris quelque chose à ce sujet. Il répondit « Mais parce que c'est grâce à lui que cette opéra est à ton lancement ?» Elle le regarda de côté sans qu'il la vît. « Ah, vous disiez que c'était grâce à Monsieur de Morière. »« Aussi, aussi. » Et reprenant des pommes soufflées, il ajouta « Mais je ne dis pas non plus que tu ne lui dois pas de reconnaissance à Morière. Tu sais ce que je t'ai répété depuis le premier jour. »« Quoi donc ?»« Que c'est lui qui, en t'admirant, t'a désigné à l'admiration des autres. C'est Morière qui donne l'élan dans notre milieu. » Elle répondit, pensive « Oui, vous avez raison. » Le marquis de Fercy était chez Madame de Givray quand Christiane y arriva. Très lié avec les Givray, il leur disait, quand elle entra, à quel point la stupide aventure de sa nièce de Bouillon et du petit Fruling l'exaspérait. Il n'osait plus aller nulle part. On ne parlait que de cette histoire grotesque. Ceux qui ignoraient sa parenté avec la princesse la racontaient sans se gêner devant lui. Les autres se taisaient brusquement en le voyant. C'était déplorable. Certes, il ne plaignait pas Bouillon. Un imbécile, Bouillon. Mais elle, elle l'avait tant trompé en temps utile qu'elle aurait pu s'arrêter et ne pas, à 50 ans sonnés, afficher de la sorte un petit bonhomme qui avait encore du lait au bout du nez. Si elle le tenait, ce moutard, pas moyen de bouger. « Si, dit Madame Dargonne en riant, je crois qu'il bouge, ou qu'il bougera bientôt. » Elle raconta sa rencontre du matin et ajouta, s'adressant à Madame de Givray, « C'est drôle qu'il plaise à Mademoiselle Lacombe, le petit Fruling. » Pas d'argent, rien d'officiel. Rosette se récria. Comment rien d'officiel, mais si? Il est quelque chose auprès du ministre des Affaires étrangères. Quoi? Ça, je ne sais plus. Je sais seulement que depuis 6 mois, il est au ministère. On a eu besoin de quelqu'un pour remplir une fonction quelconque. Sa qualité de protestant le désignait tout naturellement au choix. Il n'y avait pas de juif. Alors il est devenu chef de je ne sais plus quoi. Mais c'est quelque chose dont on parle. On voit son nom dans les comptes rendus officiels. Le marquis déclara. Je le trouve abominable, ce petit bonhomme. Mais, dit M. de Givray, on le trouve généralement très joli. Oui, ma nièce. Votre nièce et d'autres encore, Madame de Vaunancourt, par exemple. M. de Fercy protesta. Elle, jamais. Elle la guiche pour faire rager ma nièce, mais elle est bien trop femme pour admirer ce petit cafard. Moi, dit Madame de Givray, je ne le trouve ni mieux ni moins bien que la plupart des autres petits jeunes. Le marquis répliqua. Vous pouvez même dire que tous les autres petits jeunes. Oh, dit Rosette, il y en a tout de même quelques-uns de gentils. Je n'en sais rien, je ne les connais pas, ceux-là. Moi j'en connais. Oh, pas beaucoup, 3-4. Le vieux marquis répondit, incrédule. Vous m'étonnez. Vous me faites penser, avec les 3 ou 4 que vous connaissez, à l'histoire du monsieur qui fait faire un costume de Coutil. Oui, on lave le costume et va te faire fiche. Il ne peut plus entrer dedans. Alors il fait au tailleur des reproches sanglants. Et le tailleur, consterné, explique que Coutil rétrécit très peu, à peine de 3 mètres sur une pièce de 60 mètres. Ce sont ces 3 mètres-là que le monsieur a eu. Et comme la petite de Givray riait, il ajouta, « Vous, c'est la même chose. » C'est les 3 gentils que vous avez rencontrés. Moi, j'ai rencontré le reste. Un vilain reste. Égoïste, sot, vaniteux, nul et desséché. La graine qui fera des Dupuis, des Dantin ou des Treuil. À propos de Monsieur de Treuil, dit Christiane, j'ai aussi rencontré ce matin au bois le père Salomon. Il était tout drôle. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons dîné chez lui hier, mais il est beaucoup plus familier, plus à son aise. Tiens, fit la petite de Givray. « Je n'aurais pas cru ça de lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?»« Rien de précis, mais ses façons ne sont plus les mêmes. Du moins, je l'ai cru. Il a pris avec moi un ton protecteur qui m'a déplu infiniment. » Le marquis de Fercy, qui pensait toujours à sa nièce et au petit Fruling, dit « Ce que Treuil va être content si ce jeune huguenot souffle la danseuse à son beau-père. »« Oh !» s'écria Madame de Givray. « Souffler, c'est beaucoup. ça ne sera pas aussi radical, je pense. » Ils se turent, Madame de Bouillon entrait. La grosse princesse avait pleuré.